France Inter. Bonjour, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, Friedrich Nietzsche et la naissance de Zarathoustra. La photo prise en 1882 est incroyable. Une femme conduisant une charrette tirée par deux hommes que pour rire, elle menace de son fouet. Les deux hommes sont Friedrich Nietzsche, jeune philosophe allemand qui a fui les rigueurs de sa Prusse natale, et son vieil ami Paul Ré, philosophe comme lui, qui lui a fait connaître une jeune femme au charme irrésistible, Lou von Salomé, la femme au fouet. « La personne la plus intelligente que j'ai jamais connue », dira Nietzsche. Une étonnante relation amoureuse est née entre ces trois êtres, assoiffés de pensées nouvelles et de liberté. Un an plus tard, Nietzsche publiera « Ainsi parlait Zarathoustra », un livre énigmatique, en rupture totale avec l'écriture philosophique de son temps, qui de son vivant n'aura aucun succès. Visionnaire, Nietzsche redoute que son œuvre, si originale, soit incomprise et par-dessus tout, qu'elle soit dévoyée. Il ne peut imaginer à quel point elle le sera. Pendant des décennies, Nietzsche sera le penseur fou, nationaliste, raciste, antisémite, apôtre de la violence et même précurseur d'Hitler. Jusqu'à ce qu'on se décide enfin à le lire vraiment. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Patrick Wöttling, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Reims, ancien élève de l'ENS, fondateur du groupe international de recherche sur Nietzsche, donc un des grands spécialistes de Nietzsche en France. L'objectif de cette émission, évidemment, n'est pas d'exposer la pensée de Nietzsche dans toute sa complexité. Nietzsche lui-même savait que sa pensée était complexe, difficile, il se savait incompris et redoutait par-dessus tout donc l'abus qu'on pourrait faire de cette pensée. Et il avait sans doute des raisons de s'inquiéter, on y reviendra en deuxième partie d'émission. Mais avec vous, Patrick Wöttling, j'aimerais qu'on resitue le philosophe dans sa vie, dans son époque. D'abord une question générale. Aujourd'hui, est-ce que Nietzsche, philosophe longtemps sulfureux, est-ce qu'il est sorti de son purgatoire ? Est-ce qu'il a toujours des choses à nous dire ? Ah, qu'il ait des choses à nous dire, ça c'est incontestable. Plus que jamais, la philosophie véritable, sérieuse, vraiment pensante en a toujours à dire, même à 20 ou 25 siècles d'écart. Sortie de son purgatoire, oui et non. C'est-à-dire qu'on sait très bien, du point de vue de la documentation, du point de vue de l'analyse, on sait parfaitement ce qu'il en est, sans le moindre doute possible sur la réalité du positionnement intellectuel de Nietzsche, qui n'a rien à voir avec les préjugés, effectivement, que vous évoquiez qu'on lui a collé sur le dos, mais comme vous le savez, les préjugés ont la vie longue. On a beau, Nietzsche le disait lui-même, les avoir réfutés 100 fois, ils sont toujours tenaces. Donc il persiste une atmosphère tout de même de préjugés, de méconnaissances, de mythes, et de préjugés d'ailleurs, qu'ils soient favorables ou défavorables. On a les deux versions généralement. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui commence en 1881, quand Nietzsche, âgé de 37 ans, jeune mais déjà malade, à l'intuition de son prochain livre, Ainsi parlait Zarathoustra, et quand quelques mois plus tard, il va donc faire cette rencontre décisive dans sa vie, celle de Lou von Salomé. Alors pouvez-vous, Patrick Wöttling, nous rappeler qui est Nietzsche en 1881, dans les grandes lignes, quel a été son parcours jusque-là ? D'abord, c'est quelqu'un qui commence par faire des études de philologie classique, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les lettres classiques en France. C'est un spécialiste du latin et surtout du grec, un excellent helléniste, qui se fait remarquer très très vite, tout jeune, encore étudiant, par la qualité de ses travaux, ce qui a pour conséquence que l'université de Bâle, donc en Suisse, qui a un poste vacant, justement, va proposer à Nietzsche, qui n'a pas encore de thèse, le fait est stupéfiant, parce que c'est la condition habituelle pour pouvoir postuler sur une chaire, l'université de Bâle, qui est éblouie par ses travaux, va lui proposer la chaire de philologie classique, et Nietzsche devient très très jeune, de manière tout à fait atypique, une sommité du monde de philologie, qu'il va donc se rendre à Bâle, enseigner pendant plusieurs années, mais très rapidement commencer à mener en parallèle à son activité de professeur de langue, littérature et pensée grecque une activité proprement philosophique. Il arrive à Bâle en 1869, son premier ouvrage proprement philosophique, La naissance de la tragédie, sort en janvier 72, donc très très rapidement. C'est le moment où il rencontre Richard Wagner, le compositeur, et il y a une véritable amitié qui se noue entre... Oui, il l'a rencontré un petit peu avant, il le connaît déjà quand il est à Bâle, il est d'ailleurs ravi parce que Wagner séjourne non loin de Bâle, et Nietzsche peut lui rendre visite. Effectivement, c'est une amitié intellectuelle fulgurante qui commence, Nietzsche très très jeune, a beaucoup d'admiration pour ce personnage, une admiration qui n'est pas totalement dénuée de surinterprétation et de fantasme, oui, également, ça va se révéler par la suite, mais dans lequel Nietzsche admire un réformateur, quelqu'un qui partage avec lui, Nietzsche, l'insatisfaction à l'égard du monde intellectuel qui existe dans l'Allemagne contemporaine. Quelle est justement l'Allemagne de Nietzsche ? Il ne faut pas oublier que cette Allemagne, c'est l'Allemagne bismarckienne, c'est l'Allemagne qui se bat depuis déjà des années pour devenir une grande puissance politique, ce qu'elle n'était pas quelques décennies encore auparavant, mais qu'elle est en train de devenir. Et après, notamment les grands relais, la victoire sur l'Autriche en 66, si je ne dis pas de bêtises, c'est la guerre, la victoire sur la France. C'est la guerre avec la France, c'est la guerre franco-prussienne qui va asseoir définitivement le rang de grande puissance politique de l'Allemagne. Simplement, ce qui intéresse Nietzsche, c'est pas que l'Allemagne s'unifie et devienne une grande puissance, c'est au contraire, sont les conséquences, et pour lui, les conséquences désastreuses de cette affaire. Comme il le dit au début des Inactuels, une grande victoire est un grand danger, et c'est ce qu'il n'aura de cesse de montrer, c'est que c'est au prix du renoncement à la vie intellectuelle, à la vie de l'esprit, que l'Allemagne a réussi à se tailler une place politique de premier plan, bien réelle, mais un prix qui ne le justifie pas et que Nietzsche va combattre sans cesse. Et il va rompre aussi avec Wagner. Rompre peu après. Dans les années 1878, par là. Oui, c'est ça. Il rompt, même si même antérieur, dès 1874, c'est-à-dire très très vite. Dès que Wagner passe en Bavière, dès que Wagner devient l'artiste officiel, choyé de Louis II, et c'est là que Nietzsche prend ses distances. Ses distances, qu'il comprend ou qu'il accepte enfin de voir tout ce qui ne va pas chez Wagner, c'est-à-dire le fait que c'est loin d'être un esprit libre, puis les autres choses, les autres préjugés qui vont avec. Une chose importante, Patrick Wötling, Friedrich Nietzsche est malade. Il est très malade, c'est du reste qui va le conduire à demander, à démissionner de son poste de Bâle. Merci Patrick Wötling. On poursuit dans une trentaine de minutes cette discussion. Tout de suite, Friedrich Nietzsche et la naissance de Zarathoustra, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Je suis lumière. Oh, si j'étais nuit. Mais ceci est ma solitude, d'être enveloppé de lumière. Il fait nuit. Voici que mon désir jaillit comme une source. Mon désir veut solitude. Il fait nuit. Voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes. Et mon âme, elle aussi est une fontaine jaillissante. Il fait nuit. Voici que s'éveillent tous les chants des amoureux. Et mon âme, elle aussi, est un chant d'amoureux. Ainsi parlait Zarathoustra. Sils Maria, octobre 1881. Dans le livre de la nature que nous lisions enfants, il était écrit: le lama est un animal singulier. Il porte volontiers les charges les plus lourdes, mais si l'on veut l'y contraindre ou si on le maltraite, il crache sur son adversaire la salive et le fourrage digéré à moitié. Ma sœur Elisabeth, que j'appelle depuis toujours mon lama, ne m'a guère épargné ces derniers temps. Elle a dit à notre mère qu'elle était effrayée par ma philosophie. Je serais l'apôtre du mal, tandis qu'elle serait la gardienne du bien. Elle répète à qui veut l'entendre que je serai sur le déclin. Tu te trompes, mon cher lama. Je n'en suis qu'au début. Depuis que j'ai mon Zarathoustra sur la conscience, je suis comme un animal taraudé par une blessure indicible. Le livre que j'ai en tête se dresse tellement au-delà de tous les autres qu'il en devient une torture absolue. que j'ai bien fait de fuir le sombre hiver allemand pour les montagnes suisses. Ici, à Sils Maria, j'ai enfin trouvé ma terre promise, l'endroit où je voudrais mourir. Oui, plutôt vivre à l'écart, misérable et malade, que rangé dans la médiocrité moderne. Je chanterai mon chant au solitaire, et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je lui remplirai le cœur de ma félicité. En 1881, Friedrich Nietzsche est à un tournant de sa vie. En raison de sa mauvaise santé, il a cessé ses activités de professeur à l'université de Bâle et se consacre désormais exclusivement à son œuvre. Réfugié à Sils Maria dans les Alpes suisses, le jeune philosophe solitaire et souffrant a alors l'intuition de ce qui deviendra un de ses livres les plus célèbres, Ainsi parlait Zarathoustra. Ce prophète perse qui a réellement existé lui inspire l'idée d'un poème philosophique où Zarathoustra appelle à l'abolition de la morale et à l'avènement du surhomme. Mais le philosophe est épuisé par la maladie. Son ami, Paul Rey, le presse alors de le rejoindre à Rome, au climat plus favorable. Mais ce n'est pas la seule raison de son insistance. Paul a rencontré une jeune Russe de 20 ans, une créature extraordinaire selon lui, qu'il veut absolument présenter à son ami. En avril 1882, Nietzsche se rend en Italie chez une amie, Malvida von Meyernburg. Le 25 avril, il se dirige vers la basilique Saint-Pierre de Rome, où il a rendez-vous avec Paul Rey. Paul, tu ne vois pas que je travaille? Au milieu de Dieu et de tous ces saints, j'adore écrire dans les églises. Oh, ne me dis pas que tu travailles encore sur ta jeunesse de la conscience morale. Et si, je ne vis pas en ermite, comme toi. J'ai eu beaucoup de distractions depuis mon arrivée ici. Notamment Lou, qui est une jeune personne tout à fait fascinante. Mmh, je sais. Malvida m'en a parlé. Si elle me convient, je ne suis pas contre l'idée de la prendre pour femme. La prendre pour femme? J'ai besoin de quelqu'un pour taper mes textes à la machine. Me libérer des corvées du quotidien. Évidemment. Comme tu le sais, j'ai une œuvre à écrire. C'est pour ça que j'envisage un mariage pour une durée de 2 ans seulement. Au-delà, la femme devient une charge. Mais j'aimerais si possible une créature qui puisse comprendre ma philosophie. Et en cela, elle serait déjà bien supérieure à la moyenne. Je vois. Une sorte de disciple qui ferait le ménage. Vous devez être Friedrich Nietzsche, le philosophe le plus intrigant d'Europe. Allemand de cœur, français par l'esprit et italien pour le climat, c'est moi-même. Vous devez être Mademoiselle von Salomé, dont Paul me parle depuis des mois. Je croyais que deux philosophes ensemble ne discouraient que de philosophie. C'est parce que l'œuvre de Paul n'en est encore qu'à ses balbutiements. Vous êtes bien sévère avec lui. Paul, dans son approche de la morale, a congédié Dieu bien avant vous. Il a copié Schopenhauer, de manière si timorée que sa morale est celle d'une vieille institutrice, proprette et avisée. Ne m'en veux pas, Paul. Alors, au contraire, je suis fier de n'être qu'un penseur occasionnel. Les philosophes sont ridicules à vouloir expliquer les choses trop profondément. Nous naissons, nous mourons, et entre les deux, il n'y a qu'absurdité et souffrance. Qu'y a-t-il à ajouter ? Pour ma part, rien. Vous vous trompez ? Il ne peut y avoir de vie sans désir de la vie. Et ce désir n'est-il pas aspiration vers un tout ? Et ce tout ne prend-il pas le visage de Dieu ? Quel dommage de voir une si charmante personne succomber au conformisme le plus plat et aux sirènes assommantes de la religion. Eh bien, cher Friedrich Nietzsche, je vous démontrerai que Dieu, que vous pensez avoir tué, est pourtant présent dans chacun de vos livres. Et quant au conformisme, je l'ai en horreur. Et c'est pour le fuir que j'ai commencé à étudier à l'université de Zurich, la seule en Europe qui accepte les femmes. Si je puis vous donner un conseil, arrêtez d'aller à l'université. Aucun esprit libre n'est jamais sorti de ce carcan. Sans doute. Mais ce carcan vaut 1000 fois mieux que la prison du mariage, car au moins peut-on en sortir. Tu entends ça, Friedrich ? Mademoiselle, je sens en vous de très heureuses dispositions à la libre pensée. Mais de grâce, sortons de cet endroit. L'art italien m'indiffère au plus haut point et je ne supporte pas les bondieuseries. Regardez ce prêtre. Il nous regarde depuis tout à l'heure de travers. C'est parce qu'il brûle de confesser Lou, comme tous les hommes. L'idée de la confession est sublime. Je rêverais que l'on écoute ma pensée comme un torrent immatériel, en faisant abstraction de mon corps. L'âme et le corps ne font qu'un. Je suis bien placé pour le savoir. Jamais mes pensées ne sont aussi sombres que lorsque des migraines m'assaillent, comme aujourd'hui. Allons, Frédéric, tu ennuies notre jeune ami. Je propose que nous allions au casino ce soir. Oh, c'est hors de question. Nous y sommes déjà allés hier. Paul, que dirais-tu plutôt d'une causerie philosophique chez notre cher ami Malvida ? Soit. Bah, pour la causerie. Trois êtres dissertant de la mort de Dieu plutôt que de profiter d'une belle soirée romaine. Voilà qui est nietzschéen en diable. Subjugué par la personnalité hors du commun de Louise von Salomé, Nietzsche la demande en mariage quelques jours après. Mais il se heurte à un refus catégorique de la jeune femme qui veut conserver sa liberté. À la place, elle lui propose de vivre à Troyes avec Paul Rey et de former une union platonique et intellectuelle. Ce projet extravagant, que Lou appelle en plaisantant la « Sainte Trinité », ne tarde pas à faire scandale. Mais il se heurte aussi au désir de ses soupirants, tous deux amoureux d'elle et qui se disputent ses sentiments. Quelques semaines plus tard, Nietzsche profite d'une escapade au mont sacré d'Orta, en Italie, pour arracher enfin à Lou un tête-à-tête. Une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint deux créatures semblables. La fatigue est le plus court chemin vers la fraternité. Seriez-vous le saint et moi la gredine ? Le mal est plus générateur d'énergie que le bien. Si vous le voulez, nous alternerons. Quelle vue magnifique ! Cela doit vous rappeler vos montagnes. Il n'y a qu'à Sils Maria que je me sens en paix. Au bord de mon lac, l'été dernier, j'ai eu une vision qui a changé ma vie. Je ne l'ai encore jamais racontée à personne. Vous m'intriguez. J'étais là, assis sur un banc, sans rien attendre. Je me contentais d'observer les reflets du soleil sur la surface de l'eau. Quand soudain, j'ai su. Je me suis levé en tremblant. Mes yeux étaient enflammés de larmes, non de tristesse, mais de jubilation. Je venais d'avoir cette vision nouvelle, par laquelle je suis désormais en avance sur tous les autres hommes. Me feriez-vous l'amitié de la décrire ? Notre vie n'a ni début, ni milieu, ni fin. Elle est comme l'eau du lac, l'éternel retour du même, un cercle dans lequel chaque événement, heureux ou malheureux, se reproduit à l'infini. Comprenez-vous ce que cela veut dire ? Fini la vie éternelle, l'arrière-monde, toutes ses sornettes. L'homme est désormais libre, car la seule chose qui le guide à présent, la seule chose qui doivent guider nos actions est celle-ci. Veux-tu vivre ceci une autre fois ? Et d'innombrables fois. Pardonnez-moi, mais cette idée n'est pas neuve. Les anciens l'avaient déjà dit. Souvenez-vous de l'Ecclésiaste. Rien de nouveau sous le soleil. Ma chère Lou, j'ai beaucoup moins lu que vous. Et pour une bonne raison. Je n'y vois plus rien. Mais je suis sûr d'une chose. Ce que je m'apprête à dire, personne ne l'a dit avant moi. Je ne suis plus un homme. Je suis de la dynamite. Mon cher ami, vous n'avez pas à me convaincre. Je crois plus en vous qu'en moi-même. Je sais que vous êtes le messager d'une nouvelle religion et que vos disciples se compteront par milliers. Lou, épousez-moi. Frédéric, vous savez que c'est impossible. Je ne veux qu'un seul et unique disciple. Vous, vous serez le terreau sur lequel ma pensée pourra fructifier, mon porte-parole parmi les hommes. Si je suis cela, alors je ne peux pas être votre femme. Le mariage est une servitude, vous le savez bien. Je ne veux conformer ma vie à aucun modèle. De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer ? Pouvez-vous nier l'évidence ? Pouvez-vous nier que nos pensées et nos sentiments sont les mêmes et que nous nous volons littéralement les mots de la bouche? Nos tempéraments de feu exigent bien plus que des faux-semblants. Croyez-moi, en restant amis, nous préservons justement ce qu'il y a de merveilleux entre nous. Ce feu sacré de la vie qui exulte et jaillit. Lou, vous êtes une enfant. Vous raisonnez à travers les livres et vous avez peur de l'amour. Mais je vous aime. La chose que je veux le plus au monde, c'est de vivre avec Paul et vous. Au diable, Paul. Embrassez-moi. Il est tard. Il faut redescendre, sinon Paul et ma mère vont s'inquiéter. Je ne redescendrai jamais. Désormais, je sais. Que voulez-vous dire ? Je sais à votre sujet. Comme j'ai su l'été dernier à Sils Maria. Je sais que rien n'égalera jamais le souvenir de ce baiser. Cet après-midi restera comme le rêve enchanteur de ma vie. Après la promenade du Monte Sacro, Nietzsche traverse une période d'exaltation. Sa passion pour Lou lui donne des ailes et il commence à écrire le premier livre de Zarathoustra, guidé par l'idée de l'éternel retour. Mais le philosophe vit de plus en plus mal le triangle amoureux avec son rival, Paul Rey. Avant l'été, les trois amis se font photographier sur une charrette, Lou avec un fouet à la main. Dans ce cliché célèbre, Nietzsche a le regard perdu, comme s'il pressentait la tragédie qui va suivre. En juillet, Lou rejoint Paul Rey dans sa famille en Allemagne, ce que Nietzsche vit très mal. Incapable de vivre sans elle, il écrit à la jeune femme. Le 15 juillet 1882. Cher ami, votre lettre m'est allée droit au cœur. Aidez-moi à faire honneur à notre devise. Vivre résolument dans la totalité, la plénitude et la beauté. Je veux me rendre à Berlin, quand vous y serez. Arrivé là, je me retirerai dans la forêt du Grunewald, assez près pour que nous puissions nous rencontrer quand nous voudrons. Entre-temps, j'ai tout dévoilé à ma sœur en ce qui vous concerne. Elle se rendra en juillet à la représentation de Parsifal à Bayreuth. Souhaitez-vous l'accompagner ? Malheureusement, je ne pourrai y être, m'étant brouillé avec le maestro. Et pourtant, si je pouvais être près de vous comme un fantôme et murmurer des choses à votre oreille, même la musique de Wagner me serait supportable. Pindare a dit « Deviens ce que tu es ». Ma chère Lou, continuez à devenir celle que vous êtes. Votre dévoué Friedrich Nietzsche. Nietzsche organise ainsi la venue de Lou à Bayreuth. À la gare, elle est accueillie par la sœur de Nietzsche, Elisabeth. Celle-ci fait bon accueil à la jeune femme, mais en réalité, elle se méfie de celle qu'elle perçoit comme une rivale. En effet, Elisabeth entretient une relation fusionnelle avec son frère et supporte mal le ton exalté avec lequel il lui parle de la jeune russe à la réputation sulfureuse. En outre, elle poursuit un autre objectif. Soucieuse de la carrière de son frère, Elisabeth se désole de sa rupture avec Richard Wagner. Longtemps fascinée par le compositeur, Nietzsche a en effet fini par s'éloigner de lui en raison de son nationalisme. Mais l'ambitieuse Elisabeth n'a pas renoncé à l'espoir de réconcilier les deux hommes, par l'intermédiaire de la femme de Wagner, Cosima. Le 28 juillet 1882, accompagnée de Lou, Elisabeth se rend au théâtre de Bayreuth pour assister à la représentation du dernier opéra de Wagner, Parsifal. Bravo ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Vraiment, Richard s'est surpassé. Friedrich dit que la musique de Wagner agit comme une drogue puissante qui envoûte l'âme et détruit les nerfs. Pour ma part, j'y verrais plutôt un narcotique. Je ne savais pas que vous vous piquiez d'être critique musicale. Venez. Je vais vous présenter Cosima. Si vous lui plaisez, vous aurez peut-être la chance de parler au maître en personne. Chère Elisabeth, comme vous l'avez justement remarqué, j'ai l'oreille parfaitement hermétique à la musique. Aussi vais-je plutôt aller retrouver mon compatriote, le comte Joukovsky. Il n'en est pas question. Depuis votre arrivée à Bayreuth, votre comportement avec ce Joukovsky a déjà suffisamment fait jaser. Jaser ? Et en quoi ? On raconte qu'au cours d'une réception, vous avez enlevé votre robe et permis au comte de dessiner un modèle directement sur vous. Ce n'était qu'un jeu. Je vous assure qu'il ne s'est rien passé entre lui et moi. Votre naïveté dépasse l'entendement. Peu importe ce que vous faites réellement, ma chère. Ce qui compte, c'est ce que vous donnez à voir. Mais j'ai promis au comte de le retrouver. Louise, je vous rappelle que vous êtes ici l'invité de mon frère. J'ai besoin de vous pour servir d'intermédiaire entre Wagner et Friedrich. Friedrich et Wagner ne se réconcilieront jamais. Et vous le savez très bien. Friedrich a trouvé un père d'adoption. Et après l'avoir adoré, il l'a tué, tout simplement. C'était nécessaire à l'accomplissement de son œuvre. Comment osez-vous parler de choses auxquelles vous ne connaissez rien ? Chère Elisabeth. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Cosima, c'était inouï. Jamais Richard n'avait exprimé avec une telle perfection l'essence du génie allemand. Grâce à Dieu, Bayreuth est l'accomplissement de sa vie. Qui est cette jeune personne ? Louise von Salomé est une amie de mon frère. Friedrich s'excuse. Il aurait beaucoup aimé être là. Hélas, sa santé fragile exige du repos. Et nous en sommes fort attristés. Pourtant, on dit qu'il prépare un nouveau livre. J'espère que dans son prochain opus, il aura modéré ses critiques contre notre religion. Naturellement. Je suis en train de le convaincre qu'il est allé trop loin. On dit qu'il subit l'influence de ce juif, Paul Ré. Lui et son entourage sémite auraient sérieusement corrompu sa pensée. Madame, pardonnez-moi, mais je dois me retirer. C'est amusant. La fiancée de Nietzsche est donc aussi peu sociable que lui. Cette femme n'est en aucun cas sa fiancée, je vous rassure. En tout cas, je partage votre avis sur le fléau juif qui est la cause de la dégénérescence de notre pays. Et Friedrich ralliera bientôt nos idées, j'en suis certaine. Je l'espère. Vous savez que Richard ne veut même plus qu'on prononce son nom devant lui. C'est un malentendu. De toute sa vie, mon frère n'a jamais admiré quelqu'un autant que Wagner. Je suis sûre qu'ils se reparleront de nouveau. Laissez-moi faire. Soucieuse du qu'en dira-t-on, Elisabeth est outrée du comportement de Lou. Elle s'empresse d'en informer son frère. Mais celui-ci, toujours éperdument amoureux, insiste pour faire venir son ami à Tautenberg, près de la demeure familiale. Désormais, Elisabeth a une idée fixe, éloigner l'intrigante qui semble avoir ensorcelé son frère. Dans la maison, la cohabitation entre les deux femmes devient vite électrique. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Une corde sur l'abîme. L'homme est ce qui doit être surmonté. Mais prenez garde, je vous le dis, au surhomme. Elisabeth ! Tiens, voilà les pages de la nuit dernière à taper. Friedrich, tu sais bien qu'à part toi, personne ne peut déchiffrer tes pattes de mouche. Je muse les yeux à force de les lire. Mais alors trouve quelqu'un en ville qui saura les lire. Mais comment veux-tu que j'avance ? Ah, ma tête ! J'ai l'impression que des aiguilles me transpercent le cerveau. Calme-toi, mon chéri. Tu devrais arrêter. Non, je viens de passer trois jours allongé dans le noir. Il faut que j'avance. À propos, Friedrich, j'ai reçu une lettre de ton éditeur. Il refuse de publier Zarathoustra. Il dit qu'il a perdu de l'argent avec tes livres précédents et que tu ne l'as pas encore payé. Eh bien, tant pis. Je le ferai imprimer à mes frais. Je ne pense pas, hélas, pouvoir entretenir avec mes éditeurs d'autres relations que celles d'une guerre au couteau. J'espère qu'il sera plus convenable que les précédents. Convenable ? Parfois, je me demande si tu es bien ma sœur. Pour qui me prends-tu à la fin ? Pour une sorte d'universitaire, moisi ? Elisabeth, je te le répète, Zarathoustra vise à la destruction de toutes les valeurs passées, présentes et futures. Quand je vais dire ça à notre mère, sans parler de Cosima. Je t'ai parlé des trois métamorphoses de l'esprit. Tu te souviens ? Non. Dans un premier temps, l'esprit est chameau. Il se charge avec courage de lourds fardeaux parce que c'est ce qu'on lui a appris. Comme toi, mon lama. Et puis lassé, il éprouve le désir de s'affranchir. Il se métamorphose en lion. Il pourrait en rester là, me diras-tu. Mais non. Pour s'accomplir, le lion féroce doit redevenir enfant. L'enfant est innocence et oubli. Pour refaire le monde et inventer de nouvelles valeurs, c'est un enfant qu'il faut devenir. Non, Friedrich. L'enfant vient au monde pour devenir un adulte et rendre à Dieu ce qu'il lui a donné. Ça, c'est ce que t'ont enseigné les racis et les sans-joie. Crois-moi, il n'y a pas de but plus noble dans la vie que de redevenir un enfant. Regarde-moi. Je suis né vieux, grave et ennuyeux, un fils de pasteur allemand. J'ai passé ma vie à rajeunir. Aujourd'hui, je ris, je danse, je marche sur la tête des idoles. C'est une merveilleuse aventure, Ellie. Toi aussi, redeviens enfant avec moi. Tu devrais éviter le surmenage. Les médecins te l'ont dit. Les médecins ne peuvent rien pour moi. Je suis malade du cerveau, comme notre père, et j'en mourrai comme lui. Alors autant rajeunir. Ne dis pas ça. Papa est mort à cause de sa chute dans l'escalier. Il n'y a pas de ça dans notre famille. Il n'y a pas de quoi? De folie? Mais au contraire, il n'y a que cela. Regarde, toi et maman, vous êtes deux vieilles folles. Et toi, tu n'es pas fou, peut-être? Moi, je sais ce que tu as. Tu as la syphilis, et c'est la Russe qui te l'a refilée. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Ne salis pas la réputation de Lou, tu entends? Oh, je n'en ai pas besoin. Toute l'Europe se moque de toi. Tout le monde dit que toi et ce bon à rien de Paul Ray, vous vous partagez une maîtresse qui couche avec tout le monde. La photo que vous avez faite est une honte. Papa se retournerait dans sa tombe. Tais-toi. Tais-toi! Mais tu ne vois pas qu'elle se moque de toi? Je ne suis pas une grande philosophe comme toi, mais j'y vois encore clair. Elle te trompe sous tes yeux avec ton meilleur ami et toi, tu es à ses pieds. C'est Lou qui m'a rendu à la vie, tu comprends? C'est grâce à elle que je trouve la force d'écrire. Friedrich, Ellie, bonjour. Vous devriez aller vous promener. Ce matin, la forêt est pleine de couleurs magnifiques. En sortant du petit bois, je suis tombée sur un cerf. Il est resté là quelques minutes à m'observer. Cela ne me surprend pas, ma chère. Vous enchanteriez même le plus féroce des lions. Décidément, c'est une obsession. Allons, Elisabeth. Vous n'aviez pas cru à l'histoire des trois métamorphoses? Même Nietzsche n'y croit pas, dans le fond. Bien sûr que j'y crois. Vous en êtes l'illustration parfaite, ma chère Lou. Vous fascinez les hommes parce que vous êtes une enfant. Vous êtes violente, fantasque, cruelle, comme mon Zarathoustra. Je crois que notre ami est plutôt au premier stade, celui du chameau. Bon, en parlant de ça, je meurs de soif. Et si nous prenions le thé? Volontiers. Mon frère est en train de travailler. Vous devriez vous trouver un amant pour occuper vos journées. Un garde-chasse, un cocher, que sais-je. Pour une femme comme vous, ça ne devrait pas être très difficile. Elisabeth. Laissez, Friedrich. Je crois que, pour le bien de tous, il vaut mieux que je m'en aille de cette maison. Enfin! Il n'en est pas question. J'ai besoin de Lou à mes côtés pour écrire. Et moi, je suis quoi? La vieille gouvernante qui sert de chaperon? Si encore vous alliez vous marier, mais à quoi tout ça rime? Veux-tu bien m'expliquer? Te voilà bien puritaine. Quand ta grande amie Cosima était la maîtresse de Wagner en étant mariée à un autre, tu n'y trouvais rien à redire. Ça n'a rien à voir. Cosima s'est consacrée corps et âme à un génie, à un héros de la nation allemande. Ce n'était pas une putain juive. Qu'est-ce que tu dis? Elisabeth, excuse-toi tout de suite. Jamais. Lou, qu'est-ce que vous faites avec cette malle? Il y a un train qui part dans une heure. Au revoir, Friedrich. Lou, ne partez pas, je vous en supplie, posez ça. Friedrich, je te préviens, c'est elle ou moi. Ne vous inquiétez pas, je vous écrirai. Lou! Ma Lou! Ciel, comme je suis seule maintenant. Lou retourne auprès de Paul Ray. En octobre, Nietzsche part les retrouver à Leipzig dans l'espoir de réaliser enfin le projet de la Sainte Trinité. Mais Lou et Paul se sont rapprochés et Nietzsche se sent exclu de leur relation. Bouleversé par cette trahison, il s'enfuit en Italie pendant que Lou et Paul s'installent ensemble à Berlin. Quelques mois plus tard, Wagner meurt. La perte des deux êtres qu'il a, selon ses termes, le plus aimé, plonge Nietzsche dans le désespoir. Plus seul que jamais, il s'exile à Sils Maria pour poursuivre l'écriture de Zarathoustra. Le 20 juin 1883, il se livre à sa promenade quotidienne au bord du lac voisin de Silva Plana, salutaire pause dans un travail acharné. Sils Maria, le 12 juin 1883. Comme la lumière est pure sur ces cimes enneigées. Pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu. disait Aristote. Il manque le troisième cas. Il faut être l'un et l'autre. Il faut être philosophe. Depuis que Lou est partie, je n'aime plus personne. Mon amour pour elle était ma dernière chance de renouer avec les hommes. Au lieu de cela, tout s'éloigne. Même le lama. Ma sœur me devient de plus en plus étrangère avec ses détestables fréquentations. Je n'ai de répit que lorsque je m'occupe de créer Zarathoustre. J'y trouve une cachette à l'abri de laquelle je peux m'asseoir un instant, à l'écart de la folie des hommes. Pris d'une flambée d'énergie créatrice, Nietzsche écrit en 10 jours la seconde partie de Zarathoustra. Dans l'allégresse, il se réconcilie avec sa sœur et retourne pour l'été dans la maison familiale. Mais Friedrich et Elisabeth se déchirent à nouveau. Cette fois-ci, la cause de leur dispute est un ami d'Elisabeth, Bernhard Förster, un antisémite notoire. Ce professeur d'université révoqué par Bismarck est parti au Paraguay pour fonder une colonie allemande destinée à régénérer la race aryenne. Lorsque Nietzsche apprend qu'Elisabeth envisage de le rejoindre, il est scandalisé. Élie, pourquoi perds-tu donc ton temps à lire ? Tu ferais mieux de te préparer à ta nouvelle vie au Paraguay ? Traire des vaches ? Faire la cuisine ? Friedrich, arrête ! Eh bien quoi ? Ne m'as-tu pas vanté ton rôle à venir dans la Nueva Germania ? Ton Förster a besoin de robustes teutones, comme toi, aptes aux travaux de la ferme. Que sais-tu faire d'autre, toi, à part tout critiquer en permanence ? Bernhard, lui, ne te critique jamais. Il est très admiratif de toi. J'espère bien que cette lubie lui passera. Être admiré par un homme aux idées répugnantes, tu parles d'un cadeau. Tu ne l'as même pas rencontré. Je lui ai envoyé la première partie de ton Zarathoustra. Il l'a trouvé fantastique, et je suis d'accord avec lui. Je pense qu'à sa façon, avec la Nueva Germania, il fait un pas dans la direction du surhomme. Un surhomme ? Ce malade ! Je t'interdis de mêler mon Zarathoustra à cette entreprise grotesque, tu entends ? Friedrich, tu te méprends. Bernhard ne désire qu'une chose, régénérer l'Allemagne. Au Paraguay, nous célébrerons l'héroïsme, le christianisme et la supériorité aryenne. Tu verras qu'un jour Bernhard sera porté au nu comme un grand Allemand. Un grand Allemand ? Si tu savais comme ce langage m'est insupportable. Sache que je hais l'Allemagne et les Allemands, leur nourriture de brasserie, leur lourdeur bien-pensante et leur patriotisme tonitruant. Ça ne m'étonne pas de toi. J'ai trouvé que la deuxième partie de Zarathoustra n'était pas du tout convaincante, figure-toi. Je préfère de loin le formidable article écrit par Bernhard sur l'éducation nationale. Tu préfères la prose d'un décérébré à celle de ton frère. Sache qu'en te rangeant de son côté, tu me déclares la guerre. À moi et à ma philosophie. Zarathoustra est le penseur de la vérité. Que crois-tu que j'éprouve quand j'entends son nom prononcé par des antisémites ? Cosima avait raison. C'est cette Russe qui t'a perverti avec ses idées cosmopolites. Je t'interdis de parler d'elle ! Espèce d'oie ignare et vindicative ! Eh bien, je suis peut-être une oie, mais moi, au moins, je ne me fais pas mener par le bout du nez. Sache que Bernhard m'a demandé en mariage hier. Quoi ? Mais tu n'as pas accepté, j'espère. Bien sûr que si. À ton âge, tu ne perçois pas le ridicule de te marier avec un chef de guerre de pacotille ? Comme tu le dis si bien, à 37 ans, les prétendantes se bousculent guère. Alors j'ai beaucoup de chance de devenir Madame Förster. Mon Friedrich, rassure-toi. Je serai toujours ta petite sœur, ton lama. Bernhard sait que tu comptes pour moi plus que tout au monde. Et à l'occasion de nos fiançailles, nous souhaiterions t'offrir une parcelle de la Nueva Germania. Nous l'appellerons en ton honneur Friedrichsland. Pour l'amour du ciel, rien de tout cela. Il ne te suffit pas que notre nom, le nom des Nietzsche, soit désormais associé au chef des antisémites. Tu me dégoûtes. Adieu. Friedrich, où vas-tu ? Et la parcelle ? Tu n'as qu'à l'appeler Lama Land. En avril 1885, Nietzsche achève la dernière partie de Zarathoustra, qu'il fait tirer à ses frais à 40 exemplaires. 2 mois plus tard, Elisabeth épouse Bernhard Förster et s'installe avec lui au Paraguay. Nietzsche, isolé et malade, continue à écrire jour et nuit. Sa santé mentale devient de plus en plus fragile et il inonde ses amis de lettres délirantes qu'il signe l'Antéchrist. En janvier 1889, Nietzsche sombre dans la folie en voyant à Turin un cocher frapper son cheval. Quelques mois plus tard, la colonie au Paraguay fait faillite et Bernard Förster se suicide. Désormais veuve, Elisabeth s'occupera de son frère jusqu'à sa mort en 1900. Durant ces 10 années, elle mène une entreprise méticuleuse de falsification de ses écrits, que plus tard, elle détournera pour servir l'idéologie nazie. Il faudra attendre les années 1950 et une relecture attentive de l'œuvre de Nietzsche pour rétablir la vérité. En attendant, Zarathoustra, texte majeur et déroutant, n'a pas encore livré tous ses secrets. Lorsque Zarathoustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude, et il ne s'en lassa point durant 10 années. Mais enfin, son cœur se transforma. Et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Oh, grand astre, à présent, j'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer, jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie, et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers. Bénis-moi donc, œil tranquille, qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder, que l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau, et Zarathoustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathoustra. Nietzsche et la naissance de Zarathoustra de Marjorie Philibert, avec Friedrich Nietzsche, Philippe Weissert, Lou Andreas Salomé, Charlotte Avias, Paul Rey, Adrien Michaud, Elisabeth Nietzsche, Yaël Eladad, Cosima Wagner, Odja Lorca, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Bastien Varigo, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter, on reprend la discussion dans quelques minutes sur Nietzsche avec mon invité Patrick Wotling. Tiens ton souffle si tu peux. Ne t'arrête pas, ferme les yeux. Il te faudra parfois te cacher. Braver le froid, sentir le danger. Mais souviens-toi. Si tout ça c'est trop lourd, va porter. Retrouve-moi à la rivière. J'ai ramassé les plus belles pierres. Envole-toi si tu préfères. Je reste là. Ça. qui chante La Rivière sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Audrey Ripouille, assisté de Frédéric Martin. Programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Alexandre Chenet. Patrick Votling, nous avons donc évoqué quelques années de la vie de Nietzsche dans sa relation avec les deux principales femmes de sa vie, Lou von Salomé et Elisabeth, donc sa sœur. Cette relation avec Lou von Salomé n'a duré finalement que peu de temps. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour lui ? Elle a duré quelques mois. En fait, la période, disons, idyllique, en quelque sorte, ça va d'avril à octobre 82, et ensuite le drame va s'étirer, puisqu'elle va finir par un drame pendant quelques mois de plus, mais à l'été 83, tout est fini, tout est consommé. Il faut bien voir la situation de Nietzsche. C'est quelqu'un qui est totalement inconnu. Il a connu la gloire dans sa jeunesse, mais il a été oublié très très vite, qu'il a quitté l'université. Ce n'est plus quelqu'un qui est identifié dans le monde intellectuel. Il est malade, il vit seul, il vit modestement de la pension que ses amis lui ont obtenue de l'université de Bâle, en errant à travers l'Europe, notamment pour essayer de trouver un climat en accord avec sa santé, qui est très mauvaise. Et par ailleurs, il réforme profondément, totalement, la vie philosophique. Si vous mettez toutes ces conditions ensemble, le résultat, c'est que personne ne le connaît, personne ne le comprend, personne ne sait même qu'il existe, même ses anciens amis se détournent de lui. Il est totalement seul et il souffre énormément de cette chose. Donc, quand il rencontre Lou Salomé, finalement, la chose qui le frappe énormément, c'est l'intelligence de cette jeune fille. Il continuera à dire, même après que les choses se soient envenimées par la faute de sa sœur, au demeurant plus que par celle de Lou Salomé, il continuera tout de même à dire, ça a été d'ailleurs rappelé tout à l'heure dans la fiction, que c'est un esprit de premier ordre, même s'il a des choses à lui reprocher. Et Nietzsche a probablement beaucoup fantasmé, non pas tant sur le plan affectif, comme on le dit parfois, je ne trouve pas que c'est tellement cet aspect-là qui soit important, mais sur le plan vraiment intellectuel. Il a cru trouver effectivement même pas tellement une disciple, mais une interlocutrice. Quelqu'un qui serait capable de le comprendre, de l'entendre et de discuter avec lui. Bah, donc, elle va devenir elle-même écrivaine et elle sera une disciple de Freud. Absolument, oui. C'est une véritable intellectuelle, incontestablement. Donc, Nietzsche publie ainsi par les Zarathoustra. On en a entendu des extraits. Ce texte qui n'aura pas de succès. Mais comment qualifier ce texte un peu étrange? C'est quoi? C'est un poème philosophique? Nietzsche disait, il faut le ranger parmi les symphonies. C'est assez significatif, parce que pour lui c'est de la musique, ouais. c'est pas de la littérature. C'est un musicien. Il veut dire par là qu'il y a une logique d'expression qui est totalement différente de ce qu'on a connu en philosophie. Une succession de discours, un discours de Zarathoustra, mais chacun de ces discours se présente comme une espèce de long poème. Le texte est très travaillé littérairement, ça c'est tout à fait évident. Nietzsche disait qu'il avait passé des... parce qu'il l'a écrit effectivement en 10 jours, mais enfin il y a une gestation qui est assez longue, qu'il a passé longtemps à calculer jusqu'à la cadence des longues, des brèves, des alternances de voyelles. Enfin, il voyait vraiment ce texte comme un texte poétique et musical très très travaillé. C'est quelque chose qui était parfois comparé aux dithyrambes de l'Antiquité, c'est-à-dire les chants, les célébrations en l'honneur de Dionysos, une espèce d'hymne philosophique en quelque sorte. Donc Nietzsche, philosophe incompris, qui va le rester d'ailleurs, vous le dites, Patrick Votling, dans votre livre consacré aux idées reçues sur Nietzsche, il y a énormément d'idées reçues concernant Nietzsche. On a dit de lui qu'il n'était pas un philosophe d'abord, que c'était un penseur antisémite, raciste, défenseur du nationalisme allemand, un apologiste de la violence, un misogyne, qu'il voulait détruire le christianisme. On a même présenté Nietzsche comme une sorte d'annonciateur de Hitler. D'où vient ce fatras? Est-ce que c'est uniquement de la faute d'Elisabeth, sa sœur, donc, qui a falsifié ses textes à la fin de la vie de Nietzsche, au moment où il était totalement malade, dans un état végétatif, et même après sa mort en 1900? Alors ça, c'est un aspect factuel qui est réel. La falsification des textes, dit ce qu'on appelle les textes posthumes, jusqu'à Nietzsche n'a pas publié, et sa sœur était son ayant droit unique. Elle avait le pouvoir total sur la publication. Personne ne pouvait contrôler quoi que ce soit, ni accéder au manuscrit sans avoir son aval, qu'elle ne donnait pas, évidemment, sauf aux fidèles. C'est pas seulement la falsification des textes, c'est la biographie qu'elle a écrite sur son frère également qui a accrédité ce genre de choses. Alors les plus célèbres sont les légendes, autoritaires d'extrême l'extrême droite, fascisante, voire nazie au moment de l'avènement du nazisme, ne sont pas les seuls. Il y a eu une espèce de récupération de gauche ou d'extrême gauche. Oui. Également, Nietzsche a été mis vraiment à toutes les sauces. Dans les années 60, 70 en particulier, mais même avant, dès les années 30, on trouve des signes de ce genre de choses. Mais c'est effectivement surtout dans la France des années 60 que la chose a pris plus d'ampleur. On s'est mis à voir en Nietzsche d'un seul coup une espèce de gauchiste, de libertaire, etc. Bon, en fait, il n'a pas une pensée politique réellement. Non, chez alors Nietzsche. Ça, vous avez raison de le rappeler. Nietzsche n'est pas un penseur politique. Il n'y a pas de pensée politique. La politique est une au sens où on l'entend habituellement, y compris la pensée philosophique politique, est pour lui quelque chose de superficiel, quelque chose qui ne touche pas aux facteurs véritablement conditionnants de la vie humaine. Et son vrai problème, c'est ça, c'est le conditionnement de la vie humaine dans le sens de la santé, dans le sens de l'épanouissement. Son véritable combat, c'est ça, le surhumain. Je préfère parler de surhumain que de surhomme, qui est au cœur de Zarathoustra, puisque c'est cette idée que Zarathoustra cherche à exposer. Qu'est-ce que c'est le surhumain ? Justement, c'est précisément le type d'homme, le type de forme de vie humaine qui sera, aux yeux de Nietzsche, la plus affirmatrice, c'est-à-dire la plus en accord avec les exigences de la vie. Pour aller vite, ce qu'il reproche fondamentalement à la modernité, c'est d'avoir instauré une forme de vie humaine qui est une forme malade et qui mène l'homme au pessimisme, à l'anéantissement, au dégoût de la vie, d'où alors il envoie la preuve notamment dans le déchaînement des théories nihilistes, pessimistes, qui fleurissent effectivement de toutes parts en Europe au XIXe siècle. C'est d'ailleurs toutes les théories qui, grosso modo, ont pour point commun de mépriser le corps, de mépriser la vie sensible et d'en venir finalement à considérer que la vie n'a pas de valeur. Et surhumain, ça désigne un type de vie une forme de vie qui, au contraire, rechercherait l'épanouissement, l'intensification, ce que Nietzsche décrit avec l'image de la santé. Alors, pour mieux connaître Nietzsche, Patrick Wotling, vous dites, et pour donc dépasser ces idées reçues, il faut le lire. Par quoi peut-on commencer quand on n'a jamais lu du Nietzsche ? Alors, il faut le lire et il faut bien le lire. D'ailleurs, il développe la grande originalité philosophique de Nietzsche, c'est que son corpus intègre une théorie de la lecture, des indications sur la manière dont il faut le lire. Alors, pour les lecteurs intéressés qui ne connaissent pas encore, effectivement, il y a des textes qui sont plus abordables, par exemple Le Gai Savoir, par exemple Crépuscule des idées, un de ses derniers textes, parce qu'il l'a conçu comme une espèce de résumé d'ensemble de sa pensée à la fin de sa vie. Et de toute façon, Nietzsche dit, il ne faut pas prendre mes livres en les lisant de A à Z, il faut les prendre au hasard et puis décorer, commencer. D'accord. Et ensuite viendra la lecture plus organisée, plus systématique. Merci beaucoup Patrick Wotling. Je recommande la lecture de vos livres, en particulier Nietzsche, La conquête d'une pensée, publié chez PUF en 2022, et Nietzsche, Les idées reçues, dans cette collection Idées reçues, au Cavalier Bleu, publié en 2009. Et une nouvelle édition aussi en français, des œuvres complètes de Nietzsche, paraîtra en décembre 2022. 23 chez Flammarion. Voilà, Autant n'importe l'histoire est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, changement complet d'ambiance. Nous évoquerons une page méconnue de notre histoire, celle de la résistance de la Guadeloupe au régime autoritaire et répressif mis en place par Vichy. Nous raconterons cette histoire à travers le regard de Marie et de Rodrigue, deux jeunes Guadeloupéens qui décident de partir en dissidence pour rejoindre la France libre. 1941, la dissidence des jeunes Guadeloupéens contre Pétain, c'est samedi prochain à 15h sur Inter.